Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusque 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, je vous ai choisi un album de Iron Maiden, Somewhere in Time. Ouais, vous allez me dire, il y a beaucoup de métal déjà à la radio. Mais c'est une particularité, cet album, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, dans le courant de l'heure. Mais avant ça, on va d'abord s'écouter un titre de Somewhere in Time, on va s'écouter Western Year et on rentrera dans le vif du sujet tout d'abord au cas où vous descendriez de Mars ou de Saturne et que le nom de Maiden ne vous dit rien du tout. On vous parlera un petit peu du groupe et puis après on commencera à vous parler de ce fameux album Somewhere in Time sorti en 1986. We'll be right back. Voilà donc le premier titre de Maiden, Backstage, donc consacré donc à ce groupe, extrait de l'album Somewhere in Time, c'était tout simplement Western Year. Alors, pour ceux qui viendraient d'arriver, Iron Maiden est un groupe de metal, heavy metal, britannique, originaire de Londres. Le groupe est formé en décembre 1975, plus précisément le jour de Noël, par le bassiste Steve Harris. Juste une parenthèse, on entend très fort sur les albums de Maiden la présence de la basse, donc c'est tout simplement parce que si vous êtes musicos, vous devez le savoir, Steve Harris joue, les cordes sont réglées très très près des micros et ainsi que des frettes, donc c'est pour ça qu'il y a une présence très très forte d'attaque. En plus, Steve Harris joue avec les doigts, donc il y a une présence très très forte d'attaque, parce que généralement quand on joue avec les doigts on a une attaque beaucoup plus douce que le médiator, mais bon, comme les cordes sont réglées très proche des micros, voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc Steve Harris est rejoint très rapidement par Dave Murray. Il a été parmi les pionniers de ce qu'on appelle et ce qu'on a toujours appelé la New Wave of British Heavy Metal. Iron Maiden représente l'un des plus grands succès commerciaux du heavy metal, ayant vendu près de 85 millions d'albums selon leur site officiel. Leur sens de la mélodie et une certaine complexité leur rapproche du métal progressif. Leur longévité, leur composition puissante et mélodique, la diversité de leur discographie et surtout leur qualité de précurseur du genre en ont fait l'un des groupes phares de la scène heavy metal. Le nom du groupe se réfère à un instrument de torture médiévale, la Vierge de Fer. Leur mascotte Eddie sans de l'imagination du dessinateur Derek Riggs. Le groupe a fréquemment été accusé de satanisme à cause notamment de l'imagerie fantastique véhiculée ou de leurs références aux écrits bibliques tels que l'Apocalypse ou encore aux écrits de Aleister Crowley. Le groupe a toujours démenti cette accusation. On continuera après. Là, on va s'écouter un deuxième titre qui s'appelle Cause Somewhere in Time. On se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. We'll be right back. Caught Somewhere in Time, c'était le deuxième extrait donc du backstage consacré à Iron Maiden, spécial donc l'album Somewhere in Time. Et vous allez voir d'ici, après la prochaine chanson, pourquoi c'est spécial le Somewhere in Time. Donc, durant les deux années qui suivent, le groupe change plusieurs fois de membres, excepté Harris et Murray. Et joue des chansons influencées par des groupes comme Black Sabbath, UFO, Thin Lizzy ou Deep Purple. En 1978, le line-up est stabilisé par l'arrivée de Doug Sampson à la batterie et du chanteur Paul Di'Anno. Ce dernier apporte une attitude un peu plus punk que la musique, mais la musique reste incontestablement heavy. Le groupe se forge une grande popularité au Royaume-Uni en parcourant tous les clubs du pays qui acceptent d'engager des formations hard rock en pleine tempête punk. Les musiciens font la connaissance de Rod Smallwood, leur futur manager et sixième membre. En décembre 1978, le groupe enregistre enfin sa première démo, Sunhouse Tape, édité à 5000 exemplaires grâce au bouche à oreille. Ce premier enregistrement s'arrache en quelques jours. En 1979, Clive Byrne remplace Sampson et Dennis Stratton entre dans le line-up en tant que deuxième guitariste. Quelques mois plus tard, EMI se base sur le buzz autour des musiciens, signe un contrat pour 4 albums. Après ces nombreux changements de line-up, ils entrent en studio en 1979 et enregistrent leur premier vrai album, Iron Maiden, qui prend aussitôt la 4e place du hit parade britannique. Malgré une production très sommaire, on retrouve l'ensemble de tout ce que le groupe film depuis des années. Phantom of the Opera, Remember Tomorrow, Iron Maiden, Prowler, etc. Invité à Top of the Pop, le quintet refuse de jouer Running Free en playback et devient le premier groupe à jouer live depuis les Who en 1972. Bien établi en Angleterre, le groupe ouvre aux États-Unis pour Judas Priest et en Europe pour Kiss. Stratton est ensuite remercié et remplacé par Adrian Smith, un ami d'enfance de Dave Murray, sur la pochette du maxi Sanctuary, et dit poignard de Margaret Thatcher qui vient d'arracher une affiche annonçant un concert du groupe. On raconte que Derek a été obligé de recouvrir les yeux de sa victime d'un bandeau noir pour la rendre moins reconnaissable. Pour le single suivant, Woman in the Uniform, la dame de fer a sa revanche et cette fois c'est elle placée en embuscade avec un fusil qui attend la mascotte du groupe pour lui faire sa fête. L'année suivante, le groupe sort Killer. Il rentre au numéro 12 en Grande-Bretagne et numéro 70 en 70e place aux USA. Leur deuxième album fut très attendu. Seul Killer, Prodigal Song et Genesis Can et Purgatory et Murderer in the Rue Murgerson. De nouvelles compositions, le reste faisait déjà partie du répertoire rodé sur scène depuis la fin des années 1970. Cette fois, le groupe a fait appel au producteur Martin Birch, donc qui a produit Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath, etc. Pour obtenir un son bien plus clair et puissant, Iron Maiden entame sa première tournée mondiale, le Killer World Tour, qui mène le groupe pour la première fois de sa carrière au Japon et la suite de la tournée européenne et américaine. Donc voilà, c'était juste pour faire le petit descriptif donc de qui était Iron Maiden, au cas où vous ne sauriez pas. Après ce titre, on va commencer à parler de l'album, donc Somewhere in Time, et vous allez être vraiment surpris de ce que je vais vous dire. Là, on va s'écouter le troisième titre qui est tout simplement Sea of Madness, donc de Somewhere in Time. Vous écoutez Backstage. Out in the streets, somebody's crying. Out Madness, c'était donc le troisième extrait de l'album Westernier, Backstage, consacré donc à cet album de Iron Maiden. Alors, on rentre dans le vif du sujet, l'album Somewhere in Time. Alors, l'album est sorti, lui, le 29 septembre 1986. Il a été enregistré en 86 au studio Compass Point de Nassau, aux Bahamas. Ben, ils ont de la chance, les Maiden, d'aller aux Bahamas pour leur... faut savoir que c'est leur sixième album. Donc c'est déjà pas mal pour aller aux Bahamas pour un sixième album enregistré. La durée de l'album dure 51 minutes 18 secondes. Il est considéré comme un album donc fatalement de heavy metal, hard rock et metal progressif. Le producteur est Martin Birch et c'est sorti sur le label EMI Music. Alors, les singles qui sont sortis, c'était donc Westernier à l'époque et Strange in the Strange Land, qu'on aura l'occasion d'écouter tout à l'heure. Alors, Somewhere in Time est le sixième album du groupe, donc, qui est sorti le 29 septembre. L'album, entre guillemets, l'album a atteint la troisième position des charts britanniques dès sa première semaine de parution. Depuis sa sortie, il a été certifié platine par le RIAA avec plus ou moins 1 million de copies ont été vendues rien qu'aux États-Unis. Contrairement à Bruce Dickinson, dont toutes les compositions étaient rejetées par Steve Harris, Andrea Smith, et a participé activement à son écriture, il a composé les deux singles de l'album, à savoir Westernier et Strange in the Strange Land, et on le retrouve même au chant sur Reach Out, face B de Westernier, malheureusement que vous ne pourriez pas écouter ici, parce que je n'ai pas pris le vinyle. Cet album est le premier à utiliser des synthétiseurs. Il est également un de leurs disques les plus chers, avec la basse et la batterie enregistrées dans les Bahamas, les guitares et les voix enregistrées aux Pays-Bas et le mixage à New York. Donc vous voyez, ils ont fait un peu le tour, quoi. Donc c'est bien, quoi. Je vous parlerai après donc vraiment de la... de ce qui fait vraiment sa richesse à cet album Somewhere in Time. On va d'abord s'écouter le quatrième titre. Le quatrième titre, c'est tout simplement Heaven Can Wait. Et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son, en couleur, en concert, sur RQC. Canada! Quatrième extrait donc, Eve Canway, d'extrait de l'album Somewhere in Time, spécial backstage, donc Iron Maiden. Alors, pourquoi est-ce que ça fait vraiment, on doit parler de cet album et pas un autre de Maiden? On pourra en parler de tous, mais celui-là en particulier, pourquoi pas rien que pour sa pochette? En effet, la pochette de l'album donc de Somewhere in Time fait l'objet d'un travail très recherché. En effet, il y a près de 40 références qui figurent donc sur cette pochette, et ces références, c'est aux albums des groupes, aux références de l'histoire du groupe et aux références culturelles. Je vais vous donner quelques exemples. La pochette de l'album Somewhere in Time est très fournie en référence et du titre de l'album précédent dans la discographie du groupe. En référence à l'album Power Slave, par exemple, on peut retrouver une horloge indiquant 23h58, référence au titre Two Minutes to Midnight, 2 minutes avant minuit. Un bar s'appelant Ice Aid, donc un titre encore de l'album Power Slave. Une écriture indiquant le ancien Mariner Sinfold Restaurant, encore un titre de Power Slave, référence au titre Rim on the Ancient Mariner, donc comme je vous disais. Un néon représentant l'œil de Horus, ainsi que les pyramides en arrière-plan. En référence de leur premier album éponyme, il y a tout à droite le poster avec la pochette de cet album et également une écriture indiquant le Phantom of the Opera House, référence au titre Phantom of the Opera, situé juste en dessous de l'horloge. On voit également au-dessus du poster la moitié du panneau du nom de la rue, dont on voit uniquement le coin Acacia, ce qui est référence au titre 22 Acacia Avenue de Number of the Beast. La posture d'Eddie est similaire à sa posture sur l'album Killer, mais celui-ci tient une arme futuriste, contrairement à la hache présentée sur l'album Killer. On remarque cependant que le bâtiment tout à gauche représente les mêmes fenêtres que le bâtiment à l'arrière-plan de l'album Killer. On voit en arrière-plan Icar tombé du ciel, ce qui est référence au titre Fly of the Icarus de l'album Peace of Mind. Bruce Dickinson tient un cerveau et on le voit au-dessus de la parcelle, la pièce métallique servant de refermer un crâne d'Eddie, ce qui rappelle la pochette de l'album. Des personnages déjà présents sur les pochettes précédentes sont visibles, comme l'ombre de la faucheuse en transparence à droite de la deuxième pyramide, ainsi que le chat noir devant le pilier entre les jambes d'Eddie. Ça, c'est pour les références des albums de Maiden. Après, je vous parlerai des références de l'histoire du groupe et de Steve Harris, et ensuite reviendra la référence culturelle. Donc voilà, si vous avez cet album sous les yeux, et que vous avez les autres albums et que vous n'avez jamais peut-être prêté attention, ben regardez, c'est vrai que ça, c'est très très très très parlant. En attendant, on va s'écouter le cinquième titre, The Loneliness of the Long Distance Punisher, et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez Backstage. We'll be right back. On s'écoutait le Sagan Teen, The Loneliness of the Long Distance Runner de Somewhere in Time. Alors, on continue nos investigations sur cet album qui est vraiment excellent, comme vous avez ou comme vous pouvez le découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors, les références à l'histoire du groupe et de Steve Harris. Des références sur l'histoire du groupe et de son bassiste Steve Harris sont également présentes sur l'image. Ainsi, un pub s'appelant le Ruskin Arm, du nom du pub dans lequel s'est fait connaître le groupe, tout comme le Rainbow, le Marquis ou encore Long Beach Arena, où fut enregistré le Live After Death. Le groupe joue au Metal Club sous la parcelle et Gypsy Kiss, le nom du premier groupe de Steve Harris. Au-dessus de l'horloge se trouve un bandeau défilant sur lequel est écrit « Latest result West Ham 7 Arsenal 3 ». Ben oui, vous savez que Steve Harris est très fan de football. Hein. Ce qui fait évidemment référence au bassiste du groupe, Steve Harris, qui est fan des Hammers, un des clubs de football de Londres. Les références culturelles, la pochette fait également la part belle à de nombreuses allusions et aux éléments culturels appréciés du groupe. On retrouve par exemple la pyramide de la Tyrell Corporation tirée du film Blade Runner de Ridley Scott et un peu plus loin l'immeuble Asimov Foundation qui rend hommage à l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov et à son cycle de romans, le cycle de fondation. De même, le nightclub Sand Dune fait référence à la chanson To Tame a Land et au cycle de Dune de Frank Herbert. Du même, sur le point à gauche de la pochette, on peut remarquer. Je change de feuille, voilà. On peut remarquer l'inscription Herbert Ale qui fait encore allusion à l'œuvre de Frank Herbert. La vitrine d'un bar affiche une citation de la peinture Nightwalk d'Edward Hopper. L'immeuble juste derrière les membres du groupe s'appelle le Brumbury Tower Hotel, référence à l'écrivain Ray Brumbury. On peut également noter que l'on retrouve le TARDIS, un clin d'œil à la série Doctor Who, sur un bâtiment à gauche. On notera au bout sur la parcelle au loin un magasin HMV, tandis que sur la surplombant à droite se tiennent Batman, cap au vent, enfin l'œil d'Horus, le signe sur la poitrine d'Eddie représente la signature de l'artiste Derek Wright. Voilà, c'est tout pour ces petites références. Vous savez, il y en a plus de 40. Notamment, il y a aussi des références de pizzeria très connues qui ont même dû changer de nom pour certains pays, de lettres pour des droits, tout simplement. Donc voilà, il y a énormément de choses. On va s'écouter encore un titre avant de se quitter bientôt. Hein. On va s'écouter Strange in a Strange Land de Iron Maiden. Backstage, les coulisses du son. We'll be right back. Voilà, c'était le sixième extrait, avant-dernier titre de Iron Maiden, hein. C'était Strange in a Strange Land. Alors, bah, les titres, si vous voulez savoir ce qu'on a joué, bah, c'est Cause, Somewhere in Time, Western Year, Sea of the Madness, Heaven Can Wait, The Loneliness on the Long Distant Runner, Strange Land, déjà vu, c'est un titre, mais qu'on ne jouera pas, et Alexander Degree. Alors, il y a eu deux singles, Western Year, qui est sorti le 6 septembre, et Strange in the Strange Land, qui est sorti le 22 novembre 86. Alors, il y a une réédition qui a été faite en 1995, lors de la réédition. Le groupe y a rajouté deux titres en multimédia, donc c'est des clips avec Western Year et Strange in the Strange Land. Composition du groupe, bah Bruce Dickinson au chant, Steve Harris à la basse, Dave Murray à la guitare, Andrea Smith guitare et Nico McBrain batteur. Voilà, c'était le backstage consacré à l'album Somewhere in Time, sorti en 1986 d'Iron Maiden. C'était surtout pour ses références et aussi pour la qualité de cet album qui est monstrueux. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau backstage. On ira peut-être du côté de la R&B cette fois-ci, on verra bien. Allez, on va s'écouter le dernier titre, c'est Alexander Degree. Moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Backstage, les coulisses du son. En couleur, en concert, sur RQC. Vous écoutez Backstage. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. We'll be right back. Jusque 13h, il y a du monde chez Léon.